C'était Monseigneur Anatole Rugerinyange, il est vicaire général à l'archidiocèse de Bujumbura. Après la messe de requiem, le corps du ministre Emmanuel Niyonguru a été inhumé au cimetière d'Omanda. Au nom du gouvernement, le premier vice-président de la République a rappelé qu'il est inutile d'ôter la vie à quelqu'un puisque tout le monde mourra un jour. Il a promis une enquête rapide sur ce dossier. Pour sa famille, la vérité est connue par Dieu et par son tueur. Le représentant de la famille a plutôt requis la grâce divine aux criminels. Aubin Niyonguru, reportage. C'est vers 11h que le corps du ministre Emmanuel Niyonguru arrive au cimetière d'Omanda. Sa femme, ses enfants, ses frères, sa mère et quelques personnalités sont déjà sur les lieux. D'autres arrivent un à un. Parmi eux, le deux vice-présidents de la République, l'ombudsman burundais, ses collègues du gouvernement, quelques députés et sénateurs, certains des représentants des corps diplomatiques, l'envoyé du président congolais Joseph Kabila, ainsi que d'autres. Au nom du gouvernement burundais, le premier vice-président Gaston Sindimo a indiqué que personne n'a le droit de tuer son prochain. Il a promis que ceux qui ont tué le ministre Niyonguru seront bientôt traduits en justice. Je pense que ceux qui l'ont assassiné se disent qu'ils ne passeront pas par ici. Ces criminels ont agi à la manière d'une tonnerre. Notre frère est parti. Seul Dieu sait le jour de la mort d'une personne ainsi que les circonstances de ces derniers jours. C'est pour cette raison que personne ne devrait penser à tuer son prochain puisque nous avons le même chemin. Le ministre Emmanuel Niyonguru n'a pas été emporté par une mort naturelle. Il a été assassiné par des criminels qui commettent des crimes dans leur habitude. Des questions restent posées sur les circonstances de sa mort. Personne ne sait l'objectif visé par ces criminels. C'est pour cette raison que le gouvernement demande à la justice de faire son travail pour que les coupables soient exemplairement punis. De son côté, le représentant de la famille Niyonguru, qui a en même temps son frère, a souligné que les mobiles de ce crime sont connus par Dieu ainsi que ceux qui l'ont tué. Il espère beaucoup plus en la justice céleste. La vérité sur sa mort est connue par Dieu et ses assassins. Le jugement est l'affaire de Dieu et ses tueurs. Il avait refusé les gardes-corps. Comme il ne faisait du mal à personne, il pensait que personne ne lui en ferait pas. Vous tous qui êtes ici et d'autres qui ne sont pas venus, reconnaissez qu'il était un homme bien. Celui qui l'a tué s'attirera des malédictions. Il doit se repentir. Mais de notre côté, en famille, nous ne voulons pas être comme les apôtres de Jésus qui ont demandé que la foudre abat les Samariens qui lui avaient empêché d'aller à la Galilée. Nous voulons que Dieu leur accorde sa grâce. Emmanuel Niyonguru avait été cadre à la Banque de la République du Burundi pendant 23 ans avant d'être nommé ministre de l'Eau et de l'Environnement en août 2015. Il a été assassiné la nuit du 31 décembre au 1er janvier devant son domicile en zone Rohero dans la ville de Bujumbura. Merci Aubin Niyonguru, précisant que le procureur général de la République a déclaré à la presse samedi que 6 personnes sont déjà arrêtées pour enquête sur l'assassinat d'Emmanuel Niyonguru. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le programme d'activité pour l'an 2017 au ministère de l'Éducation se conformera au budget annuel disponible. Le porte-parole de ce ministère dit cela après que le budget annuel destiné à ce ministère ait été revu à la baisse. Et concernant les outils didactiques pour les classes post-fondamentales qui ne sont pas encore parvenus aux écoles pour ce deuxième trimestre qui vient de commencer, Juma Edouard dit que ces manuels scolaires vont être transférés aux écoles dès qu'ils seront disponibles. La rentrée scolaire pour le deuxième trimestre de l'année 2016-2017 a commencé. En ce qui concerne donc la situation pour les classes de poste fondamental, c'est là qu'il y avait quelques soucis. Mais en réalité, ces classes utilisent des outils qui sont bien spécifiques et qui sont répartis en trimestres. Si au départ, il y avait eu distribution des outils pour le premier trimestre, ce trimestre-ci, il va y avoir distribution des outils du deuxième trimestre, et après, ce sera les outils du troisième trimestre. Je tranquillise donc ceux qui nous écoutent. Si ces outils-là ne sont pas encore parvenus aux écoles, c'est une question de quelques jours, ça sera fait. Il semble que des mesures d'austérité ont été prises à l'endroit de votre ministère concernant le budget annuel. Parmi vos projets qui devaient être réalisés tout au long de l'année, qu'est-ce qui vont être privilégiés ou bien qu'est-ce qui vont être abandonnés? Non, on ne peut pas s'exprimer comme ça en termes de ce qui va être abandonné ou de ce qui va être réalisé. Nous adaptons nos projets aux moyens qui sont disponibles. Donc cette année, les programmes d'activité de l'année vont se conformer au budget. Il ne faut pas oublier que le gouvernement n'a pas que le ministère de l'Éducation à financer. Il y a plein d'autres ministères et d'autres institutions qui contribuent à la vie nationale. Et tous ces secteurs-là bénéficient d'un budget qui émane des arbitrages qui sont faits au niveau du gouvernement. Et c'est maintenant au ministère de pouvoir s'adapter par rapport aux ressources disponibles et d'adapter ses programmes et ses ambitions par rapport au budget disponible. Jouma Edouard, porte-parole du ministère de l'Éducation, au micro de Dorine Ndaïrorere. Sport, les deux formations de football qui vont jouer la finale de la Coupe de l'Unité sont connues depuis ce mardi soir. Il s'agit de Messager Ngozi qui a battu Musongati de Gitega 1-0 à 13h30 et Vitalo qui a également battu Lydia Ludic 1-0 à 15h30. Le coach de Vitalo, Francis Haringingo, se dit satisfait de la qualification de son équipe. Suivez-les, il est au micro d'Evariste Nzikobanyang. Nous sommes heureux d'avoir gagné ce match parce que c'était un match qui n'était pas facile, c'était un match très disputé. Moi, je crois que c'est les joueurs qui ont fait tout pour qu'on puisse avoir cette victoire. Vous venez d'arracher une victoire d'un but qui a été marqué en première mi-temps. Qu'est-ce qui a manqué pour ne pas marquer en deuxième mi-temps? En deuxième mi-temps, vous voyez quand vous avez joué à la première partie, l'équipe adverse qui a perdu un but vient toujours chercher la victoire de force. Et nous aussi, nous avons essayé de marquer. On n'a pas eu ce but. On a même marqué un but qui a été revisé parce que c'était hors jeu. Et je crois qu'en deuxième partie, le match était très disputé. Je suis désolé qu'on n'a pas pu marquer. Vous allez rencontrer en finale l'équipe Messager Ngozi qui vous a été difficile l'année passée lors de la finale de la Coupe du Président. Vous n'avez pas peur? Je ne dirais pas qu'on a peur dans l'équipe Messager Ngozi. Vu les joueurs qu'on a, je crois qu'on a les armes pour batailler contre Messager Ngozi, même si c'est une grande équipe ici au Burundi. C'était le coach de Vitalo, Francis Haringingo, micro-dévariste Nzikobanyanga. Un corps sans vie a été repêché dans la rivière Ruvubu du côté de la commune Muyinga ce mardi. L'administrateur de la commune Muyinga indique que ce corps sans vie fait partie du groupe de 4 individus qui se sont noyés dans cette rivière lundi dans l'avant-midi. Les 3 autres restent introuvables. Leur pirogue se serait renversée alors qu'ils se dirigeaient en Tanzanie pour s'approvisionner en vivres. Radio Isanganiro Chronique. Avoir une addiction aux scènes de sexe non seulement épuise le cerveau, mais n'est dans rien la pratique des relations sexuelles, comme l'affirme Beninda Ishimiye, il est conseiller sexuel. Il explique que les acteurs de ces films pornographiques prennent des pilules qui leur donnent une résistance surnaturelle, lesquelles ne manquent pas de conséquences. Dans la chronique santé aujourd'hui, vous êtes avec Clarine Grosis. Regarder des films qui montrent des pratiques sexuelles se fait aussi bien par les jeunes que les adultes. Beninda Ishimiye, conseiller sexuel, explique que ces deux groupes ont des objectifs complètement différents en visionnant ces films. Pour les jeunes, je dirais que c'est la curiosité. C'est la curiosité sexuelle qui les amène à regarder ces histoires. Ça veut dire quoi? C'est une forme de découvrir ce que les personnes adultes font. Il y a aussi l'influence des groupes. Il y a les jeunes qui les influencent, il faut regarder. Et lui, il va regarder pour s'affirmer.